Molt benvinguts, senyores i senyors, amb una nova edició de Hola La Music, el vostre programa de música en francès. Us parla Rafael Corbí. Avui tenim un programa en el qual començarem recordant alguns temes que d'una manera anecdòtica també han passat per al nostre programa. Avui els recuperem amb el format d'un sol programa. Propostes musicals que ens han adreçat i que en el dia d'avui també volem escoltar, peticions que ens han fet de temes en francès i que serà el moment d'escoltar amb aquesta nova edició d'aquest programa. Hola La Music. I comencem el programa amb aquesta cançó que ens arriba amb la cantant anomenada Catherine Elizabeth Hudson, més coneguda per el seu nom artístic de Katy Perry, nascuda el 25 d'octubre del 1984 a Santa Bàrbara, Califòrnia, als Estats Units. Aquesta cantant, guitarrista, compositora, escriptora i actriu nord-americana, filla de dos pastors cristians, que també ha cantat en francès al costat d'amigos, aquesta cançó que ens demanaven i que avui escoltarem. Per la nostra audiència, bona petit. Katy Perry, Miko. Isn't all that you want, boy? All that you can have, boy? Got me spread like a buffet. Bon appetit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven. Melt in your mouth, kind of loving. Bon appetit, baby. Aquesta era la primera de les cançons que escoltàvem en aquest programa especial que hem fet avui, una sol·licitud que ens havia adreçat l'Ingrid Muñoz de Castellnou. Ens portava aquesta petició per escoltar el tema de Katy Perry anomenada Bon Appetit. La segona ens l'envia en Gabriel García de Barcelona Ciutat i ens demanava una cançó de Julian Clerc, una de les que va destacar l'any 1978. Era concretament a càrrec d'aquest cantant nascut el 1947 a París com a Paul Alain Leclerc, aquesta cançó de Ma Préférence. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Je sais, cet air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Així hem escoltat aquest Ma Préférence, la cançó que ens demanava en Gabriel. Tercera cançó del programa d'avui. Anem a escoltar què ens demanava amb aquesta programació un dels nostres oients, conegut amb el nom de Patrícia, una de les nostres oients que porta el nom de Patrícia Sanz i que ens arriba escoltant el programa des de Vilajuïga, a l'Alt Empordà. Avui escoltem una cançó de l'Alonso amb MHD. Aquesta formació ens porta un tema destacat el 2017, Foc d'Artifici. Je parie que ce soir tu vas finir seul dans un Uber alors que t'auras claqué toute ta paye. Du Bernaberta. Oh, ne fais pas le fou, tu t'es pris une gifle, tu tends l'autre jour. Je suis avec mes bros, deux, trois sous-sous. Dis-moi c'est quoi ton prix, qu'on fasse l'amour. Ok, ok, ok, je crois pas qu'on se connaît. Tu as fait disque d'or, mais tu n'as pas de sous. T'es pas michetonnable, tu n'as pas de sous.

Aleshores, us el vaig recomanar amb aquesta òpera rock dedicada a Mozart, que tant d'èxit va tenir l'any 2009. Doncs bé, avui tornem amb ell, aquesta vegada acompanyat de la guapíssima Camille Lou, una cantant que va néixer l'any 1992 i que amb dos van interpretar una de les peces de l'espectacle musical La llegenda del rei Artur, que va recórrer els millors teatres de França entre els anys 2015 i 2016. Ja veus, Rafael, que aquí tenim pedigree. Aquesta peça porta per nom Quelque chose de magique. No us la perdeu, és una cançó preciosa, a mi m'encanta, Florent Moté i Camille Lou, Quelque chose de magique. J'ai vu des fées maléfiques me barrer le chemin, goûter aux effets toxiques des hommes et leur venin. J'ai défait le vent, inversé le temps pour retrouver tes pas, tuer mes démons, braver les tourments pour arriver à toi. S'aimer dans les étoiles, dans une course fantastique sur le chemin du Graal. J'ai défié tes nuits, chassé les esprits qui troublaient ma foi. J'ai veillé tes jours, invoqué l'amour pour arriver à toi. Y'a quelque chose de magique. Au-delà de l'encore, j'irai danser jusqu'à briser le sort pour t'aimer à mort. Y'a quelque chose de magique entre toi et moi. C'est comme un champ magnétique qui ne s'explique pas. Y'a quelque chose de physique qui défie. La música és la companyia de Olala Music, amb aquestes cançons, en aquest cas el que ens emportava el nostre bon amic i col·laborador des del programa número 1 d'Olala Music, era l'Àngel Rodríguez. Un altre dels artistes que podríem destacar i considerar amb el programa d'avui, d'aquestes peticions que a poc ens han anat acompanyant amb el nostre programa, és una cançó d'en Julian Clerc, el nostre protagonista d'ara mateix, amb una cançó que ens demanava un altre dels oients del nostre programa, la Laura, en aquest cas la Laura Sala, que ens enviava el seu missatge des de ben a prop del darrer, en aquest cas des de Torroella de Montgrí. Ens arriba aquesta petició amb una cançó d'en Julian Clerc que escoltem ara mateix. Dors ma ville aux pluies d'automne, odeur de crèque, enfant griffonne, trottoir mouillé, les marronniers, bonsoir. Dors ma nuit au goût amer de ces étés, des bords de mer, parents couchés, rêve éveillé, bonsoir. Tous mes souvenirs s'enfument aux 30 bougies qui s'allument. Je soufflerai, j'arrêterai plus tard. Tous mes souvenirs s'écartent, un peu semblables au jeu de cartes, aux mains du joueur. Quand il n'y aura plus de donne, même s'il y a mal donne, au café des certitudes, aux vieux flippeurs de l'habitude, aux jeux gratuits des loteries, bonsoir. À l'idole qui finit mal, avec Blondie dans un journal, maître à penser, maître à chanter, bonsoir. C'est le temps de plus d'excuses aux vieilles écoliers qui s'amusent. Ce qui n'est pas, ne sera pas plus tard. Dans l'emploi du temps qui reste, y a plus de nuit, y a plus de sieste, y a plus de cafard. Ceux qui regardent en arrière ne voient que de la poussière. Oh, ma ville aux pluies d'automne, un jour si ton parfum m'étonne, cheveux mouillés, gorge serrée du soir. Promets-moi de faire silence avec mes souvenirs d'enfance. J'ai eu 30 ans, je suis content, bonsoir. Doncs sí, la cançó de Julian Clarke, que també hem portat amb el nostre programa. Ens aproximem a la meitat del nostre temps. Serà el moment de marxar cap a Mollerussa, on ens espera la Marta Puig, per una cançó que ens ha demanat després d'haver escoltat música amb el nostre programa d'aquest protagonista, de Christoph Willem. Des del 2011, aquest tema que també ens parla de l'amor.

pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi, je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Bé, Je l'aime mourir, aquesta era la cançó que ens portava la Norma. Quin més ens vol portar cançons amb el programa d'avui? Doncs, per exemple, deixeu que ho faci l'Estel, així s'anomena la nostra oient, l'Estel Roca, que ens segueix setmanalment amb Hola la Música des de Caldes de Malavella. Allà ens envia el missatge demanant una cançó de Johnny Hess. Johnny Hess, i ens ho porta per dedicar-li a la seva mare, que diu que li encantava aquest cantant de fa moltíssims anys enrere. Penseu que marxem cap a l'any 1938. Johnny Hess amb aquesta cançó. La veritat és que el so no és molt bo, però també és el que he trobat de la veu d'aquest extraordinari intèrpret, tot i que ha nascut a Suïssa, molt conegut a França durant els anys 30 i els anys 40, especialment als anys 30 al principi, quan interpretava al costat d'un clàssic com Charles Trenet. Era, a més, l'inventor del terme anomenat Zazú, que va ser aplicat a la joventut del swing francesa dels anys 40. Johnny Hess. Soir et matin, près de la haie de glycine, tout au bout de mon jardin. Ah, ses yeux, ses cheveux, ah, ce cou, quel bijou. Mais le colonel en retraite, qui lui servait de papa, traînait mes ardeurs secrètes, et je n'osais pas sauter le pas. Mais un jour de printemps, mon amour prit son élan. J'ai sauté la barrière, hop là, je suis tombé derrière, hop là. Puis j'ai dit à ma belle, meuf là, n'ai pas eu besoin d'échelle pour ça. J'ai sauté la barrière, hop là, je ne sais pas ce que ton père dira. Mais me voilà, oh, te voilà, nous voilà tous les deux. J'ai ton cœur sur mon cœur, le ciel bleu, tes yeux bleus. Le colonel en reste bleu. Il me dit en colère, demi-tour, adieu jolie bergère d'amour. Mais une année entière, oh là, j'ai sauté la barrière, hop là. Au retour d'un long voyage, les essieux de mon wagon me chantaient dans leur langage la plus douce des chansons. Ma chérie, tu m'attends, me voici frémissant. Aussitôt le train en gare, je m'élance comme un lutin. J'arrive et sans crier gare, je cours tout au bout du jardin. À mon cœur, à ma joie, quel bonheur comme autrefois. J'ai sauté la barrière, hop là, je suis tombé derrière, hop là. Puis j'ai dit à ma belle, meuf la la la la, je n'ai pas eu besoin d'échelle pour ça. J'ai sauté la barrière, hop là, c'est pas ce que ton père dira. Mais me voilà, oh, te voilà, nous voilà tous les deux. J'ai ton cœur sur mon cœur, le ciel bleu, tes yeux bleus. Le colonel est tout joyeux, me dit paternel, bonjour, est resté donc avec elle, toujours. Et devant monsieur le maire, oh là, j'ai sauté la barrière. Hop! Aquesta cançó m'encanta quan ens demanen temes de Fat Andrés. És més fàcil demanar coses més modernes, sembla, doncs no. Temes com aquests també són molt especials amb el nostre programa. Johnny Holiday és el proper protagonista del nostre programa amb Let's Club i és una cançó que en Salvador Tomàs, des de la Llagosta, ens va demanar ja fa moltes setmanes enrere. Avui tenim l'oportunitat d'escoltar amb aquest un dels més grans artistes de la música francesa que s'han donat mai. Johnny Holiday. Les coups, à quand ils vous arrivent, oh oui, oui ça fait mal. Qui apprennent à vivre, oh oui, ouais ça fait mal. Avant de faire un homme d'un tout petit enfant, il en faudra combien pour qu'il devienne un grand. Combien de fois à terre il lui faudra tomber et sans pleurer, apprendre à se relever. Il deviendra un homme petit à petit en apprenant les dures leçons de la vie. Oh oui, les coups de l'amour qui s'en va, les coups qui en font un soldat, les coups à quand ils vous arrivent, oh oui, ouais ça fait mal, les coups à qui apprennent à vivre, oh oui, ouais ça fait mal. Sans lutter, le prix de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qui vous crie bravo, et puis ce qui voudrait vous voir un jour KO. Oh oui, les coups, un jour ne font plus peur. Les coups qui vous font mal au cœur. Un coup de bonheur qui vient au bon moment. Un coup d'espoir au milieu des tourments. Plus les coups sont durs et plus vite on apprend à devenir quelqu'un qui se défend. Oh oui, les coups un jour ne font plus peur. Les coups qui vous font mal au cœur. Les coups à quand ils vous arrivent. Les coups, ouais ça fait mal. Ouais les coups, ah ah ah ah ah ah. Ouais les coups, ah ah ah ah ah. Les coups. Hem vingut en aquest món per aprendre i no deixarem d'aprendre mai de la vida i és un dels plaers que jo tinc més amb aquest programa d'arribar amb aquesta secció que ens porta en Cyril Torres just a la meitat del nostre programa. És la secció en la qual ens parla d'aquestes cançons, aquests intèrprets que cantant en francès escampen la seva música arreu del món. Benvingut, Cyril, gràcies per deixar-nos aprendre al teu costat. Gràcies, Rafael, bon dia a tothom i doncs aquí estem una setmana més amb una petita proposta musical per enriquir o per participar d'aquest fantàstic programa que feu. Jo me'n vaig a Bèlgica, en aquest cas, per recuperar un dels icones d'aquests darrers anys. Un personatge, jo crec, llest, intel·ligent, a més, dels que realment han entès les possibilitats musicals que hi ha actualment. I amb un equip fantàstic darrere, tot s'ha de dir, però avui he arribat a conjugar el que és la música electrònica, el hip-hop, i tots aquests llenguatges que els que tenim una certa edat doncs, encara doncs, no els tenim assimilats del tot, o no els tenim normalitzats, en tot cas. Ell ha arribat a conjugar tot això de manera fantàstica i, a més, amb unes lletres i amb un contingut fabulós. Ell és Stromae, que probablement molts haureu endevinat, que és un d'aquests personatges icònics i jo crec dels més importants dels darrers anys i que probablement encara té els seus millors treballs per arribar. Stromae, des de Bèlgica, però un belga universal i absolutament musical, amb un tema on recupera la base de la música house, que és aquesta música electrònica que jo confesso que sóc absolutament analfabet, excepte quan algú com ell doncs, ens fa introduccions d'aquest tipus. Stromae amb House Leluia. Lorsque j'élève mes mains au ciel, lorsque je saute et que je crie, c'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia, c'est ce que je prie durant la nuit. Alléluia, lorsque j'élève mes mains au ciel. Alléluia, lorsque je saute et que je crie. Alléluia, c'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Doncs sí, hem escoltat aquest House, Aleluia, moltíssimes gràcies a Cyril per la teva recomanació per al programa d'avui, també abans a la Norma i les gràcies també a l'Àngel Rodríguez que avui han col·laborat amb el nostre espai. Ens queden ja pocs minuts per endreçar o per acabar d'endreçar el nostre programa, però encara ens queden un parell de peticions que havien d'adreçar-se amb el nostre programa. Una d'en Gerard. En Gerard ens envia un missatge des de Malgrat de Mar i ens demana una cançó d'en Michel Sardou, que ara mateix també escoltem. Estem a punt de finalitzar l'espai. On se reverra dans ce monde et au-delà, demain ou bien ailleurs, pour le pire ou le meilleur, on se reverra, jamais on ne s'oubliera, aussi dur que la croix, je sais qu'on se reverra. Je n'oublie jamais un visage, ni l'émotion qu'il m'a laissé au cours de tous mes longs voyages. J'en ai croisé des amitiés, jamais un visage ne s'oublie, qu'il ait souri, qu'il ait pleuré. Il est là pour la vie, comme un instant d'éternité. On se reverra dans ce monde et au-delà, demain ou bien ailleurs, pour le pire ou le meilleur. On se reverra, jamais on ne s'oubliera, aussi dur que la croix, je sais qu'on se reverra. Longtemps après, le temps efface les ennemis, les faux semblants, les murs d'argent, les murs de glace, qui sont les bons et les méchants, les trahisons, les coups du sort, j'en ai connu et j'en connais. Qui a raison ou tort, ça on ne le saura jamais. On se reverra dans ce monde et au-delà, demain ou bien ailleurs, pour le pire ou le meilleur. On se que la croix, je sais qu'on se reverra. Acabo, doncs, amb el programa d'aquesta setmana de Olala Music i ho farem amb una darrera petició que se'ns adreçava i que era una peça que la Jèssica Gallego des de Palafrugell també adreçava amb el nostre programa. La música de Franz Gall, aquesta plorada artista que no fa pas gaire temps enrere ens deixava, nascuda a París el 1947, famosíssima en el seu moment i a la qual hem dedicat molta música, i que és l'artista que amb el seu music obre cada edició de Olala Music. Aquesta és la cançó que avui triem per finalitzar el nostre programa amb la Jèssica i la seva petició de música en francès. Serà fins la propera. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Aquesta és la música de Franz Gall. A reveure.